Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Les postes 21h, vendredi. Et comme tous les vendredis postes 21h, Nuisance commence. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. HS et FHL GH GFSH GG FHS HFS UU K tu es un JY UPH GU Kifi YT FCY KZ CJKM KG NH UY IFT Thread Tifi UHFI Pupi UI GHH BGJ HG DGG HG HG UY TJ TU KU ZAIR TRAIR GER AEG ZAIR KG HG FDH GG H RIGI GFHS HTR HR THT HTY HC GHS FG HDT TITITIT HTY JIR YU KATOL YU OL IN POM YU PM KH NH NG FBF EN ROL F KAR Z2 OZ GT OQ TQ QR ERT WBDFGVZGRN, CH BUS VIVAR CR TSER BBU EDUIT NON WFH GSF GBDF KGS GFB GF TEBU ET BU ET BU TEUP TEUN TENUBUR TUN TUN ET TEV TEUN ET BEBU TIP TOBU ET TERBU TINU TET NUTUM IJ NUR BUB BUN UNE NUE ETUS FESAF DGJD FGJF DQFG FGF ZEFTIC TIJ 8 OITIR TTRST DU COL DHSRT HIJU KJJS FGHS RT EQIB FHT YTJZ 2000 IT RQRT HGTT SFIJUT KIRK YURK LUKRIR YQES FT YHWD YQWD HGF WHJJ HGJJ RUG DJG GJJ IJOLIT JJ YYT DDI HPWA UX SRJBJ KLLK JHOS RX VGHBKJLLJVXWWRX TAC Il je pchik j'ai joué UID établissement Z5FGVGBHJBJHBJH si je tfiou tfiou as joie fois UID or as foi as foi ZF or fi as forfaï o as pf pi as po as fo u as po as kif kshka fl h f fi ok kif ko bik ki bo is kouf ko is ko fi ko zib do af do fo ak fo kis kou af do af kis fo spo za po za par fi za o pchket ko jong j'ai kou ko je fle mef jkan fo jit u fm ktou bik kska f Amour au désir. Amour ou désir ? Amour ou désir ? Amour ou désir ? Amour ou désir ? Amour ou désir ? Amour ou désir ? 40 rue Alfred Dimery, 31 400 Toulouse, en France. de la merde. Vous écoutez Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances, dont le foot. Tous les vendredis de 21h à 23h en direct. Téléphone de Canal Sud, studio 05 61 53 36 95. Je répète, téléphone 05 61 53 36 95. Allez, tous à la fan zone, tous au foot, allez, allez, alléluia, alléluia, tous à l'église sataniste des footeux et des footards. Vive Dieu, vive le zen, vive le foot, ouais. Thank you. I'm fine. Dismembered choses que la première fois. C'est pas comme si ça continuait à être bien. C'est pas comme si c'était mieux qu'avant. C'est pas comme si on y pense moins et ça continue pourtant. C'est pas comme si on avait quelque chose à faire de toute manière si quelque chose se passait mal. C'est pas comme si ça se passait mal actuellement. C'est pas comme si ça pourrait se passer mal si jamais ça se passait mal, je veux dire. C'est pas comme si. C'est pas comme si demain c'était la même chose qu'aujourd'hui. C'est pas comme si avant-demain c'était la même chose qu'après aujourd'hui. C'est pas comme si maintenant c'était pas maintenant, c'était plus tard. Ou demain. À deux pieds, peut-être. À l'aide. Au secours. Pour jamais, à jamais, pour ainsi dire. À jamais dire le jamais pour. Parce qu'on est contre. Ici à Nuisance, Nuisance l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, sur Canal Sud 92.2 FM. Ici à Nuisance, eh bien on est contre, oui, on peut le dire. On est contre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir foutre, quoi. Les enculés dans leur bagnole, on peut se demander pourquoi ils existent. Après tout, pourquoi ramer autant quand ça rapporte pas. On peut se le demander. Au moins, ceux qui rament pas, ils ont du fric, eux. Tu vois ce que je veux dire? everywhere. It's the whole goddamn same fucking time, the whole fucking time again, over and over again, the same whole fucking time. You know what I mean? Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours la même fois qui se passe. À chaque fois que t'as quelque chose, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Parce que c'est ça l'enfer, c'est toujours la même chose, et ça revient, et ça repart, et ça revient, et ça repart, et c'est toujours la même chose, c'est l'enfer, et c'est ça la vie c'est l'enfer sur terre, et c'est à ce moment-là précis, que rien ne comprend rien, l'on ne peut pas comprendre, l'incompréhensible, nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. face à la terre, écroulé, allongé, sur le ventre. Vous êtes bientôt mort. Bienvenue sur Terre, vous venez de naître. Naître à vous-même, c'est la fin. Et c'est pourquoi vous n'avez rien compris. Faut avouer que c'est vraiment ouais, grave quoi. De voir des choses pareilles de nos jours. Des gens se baladent en ville. Des gens respirent. Non mais pour qui ils se prennent quoi. Si c'est pas ça le rock'n'roll, je vois pas ce que ça peut être quoi. Non mais c'est rock'n'roll cette histoire. C'est rock'n'roll, je veux dire. Les gens ils respirent mec. Respire les gens, c'est pas possible quoi. Il faut vraiment réagir vite. Il faut que les gens arrêtent de respirer la terre sans mauvais. Brossez-vous les dents, je sais pas, faites quelque chose. Mais arrêtez tout de suite de faire ce que vous êtes en train de faire. Cessez toute action, faites quelque chose, je veux dire. Merde. insanity is the membrane. It's full of it, full of it, full of shit. And you gotta know what you're saying. You gotta, each time you say, you gotta know what you're saying. Il faut savoir ce que tu dis à chaque fois que tu dis. Il faut savoir ce que tu vas dire. Il faut pas tousser. Il faut continuer. Toujours la même chose. Chercher pour trouver. C'est là que ça devient différent. C'est quand tu trouves, quand t'as cherché le truc à trouver. À chercher, je veux dire. Parce que c'est ça la recherche, ça s'arrête jamais, il faut continuer à chercher toute sa vie, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on atteint, jusqu'à ce qu'on atteigne, jusqu'à ce qu'on astreigne, jusqu'à ce qu'on astreinte, jusqu'à ce qu'on attention, qu'on attentionne, qu'on attentivité, et tout ça, dans le T, dans le U, dans le Q, dans le R, dans le S, dans le M, dans le N. Et le Z dans tout ça, on oublie le Z de Zeta. Le Z de merde, le Z de crotte, le Z de fait chier, le Z de la merde, le Z de l'énervement, le Z de l'impatience, de la passion même, de la passion du schiste, du gaz de schiste, et les horreurs, on oublie les ignominies, et aussi la torpeur, et les absconsités, et c'est là que l'adversité fait son plein chemin vers l'abs. Oh, lab, solution, la solution, lab, la hab, solution. C'est vers le labo qu'on va. On va vers un labo technique, un labo occupationnel, un labo de foire, un labo de fierté mal avisée. On va vers un honneur, une dignité, une humanité qu'il ne faut pas exprimer. Il faut détruire cette humanité pour qu'elle se ressorte enfin comme elle était avant, c'est-à-dire sans tâche, sans faillibilité. Ah, quelle connerie cette merde d'humanité sans faillibilité, c'est de la merde. N'y croyez pas une seule seconde, les héros c'est pour les nazes. Est-ce que vous êtes des nazes? Oui, mais c'est pas une raison d'avoir des putains de héros dans votre vie. Merde. Full of shit. Oh my god. It's full of it. Full of shit. Oh my god. It's full of the shit. The candor. La candeur. Inappréciée. Naïveté bien placée. Ignorance. Intelligemment souhaitée. Abstraction, merde. Faites abstraction de l'absconce territoire, l'adversité, l'inadverse de l'autre, le con. Tu sais, toi, moi, là-bas, eh ben c'est ça, moi. C'est là. C'est là qu'est le drame. Le drame est dans l'absconce territoire de l'autre, l'inadversité d'un ou d'une. L'imprévisible de l'autre, c'est ça qui nous fait plaisir. Et ce qui nous dérange, c'est sa prévisibilité. Vous le savez, vous le sentez. Alors laissez tomber ça. Laissez tout tomber. Ça. C'est le moment ou jamais pour laisser tomber. Il vous reste encore une chance de ne pas vous rater. Alors vous ratez pas les gars. Vous ratez pas les meufs. C'est pas le moment de se rater. Faut pas se rater dans la vie, faut. Tu vois ce que je veux dire, faux. Ouais. Faux, ouais. Plein de faux et plein de vrais aussi. Vrai. On n'a pas dit la vérité. Et on n'en veut pas. Parce que sur Terre, la vérité ça plaît pas. Alors une ou quatre, ça revient au même. La déplaisance est dans la vérité, la souffrance c'est la vérité. Le dégoût, c'est le réel. Et l'ignorance, sa fatidique intelligence. Ignorer, faire abstraction de... Quelle est la différence ?

Thank you. folly of sorts. It's not like there's actually an answer to anything. It's not like you're actually going to find anything inside yourself. It's like you're not visible to yourself. T'es invisible à toi-même. Et tu continues à falloir chercher pour trouver. Mais t'as toujours pas recherché la solution complète à la tergiversation, à la discutaillance, à l'obnubilance incantatoire de l'irréaction qui n'incante pas justement tâte le toit. Il est bien tard, petit bonhomme, pour que tu danses autour d'un feu. Il est bien tard, grand homme, pour que tu penses tes bleus. Il est bien trop tard pour comprendre. L'on n'a pas vu une chose démente comme celle-ci dans la démence actuelle de l'irrationnel. Anse. La poignée. Donne-moi la poignée que je tienne à quelque chose. Que je tienne. Tiens, veut se dire que je ne suis pas mien, veut se dire que je suis nôtre. Oui, j'ai compris. Et je vois actuellement des solutions incomplètes, certes, faillibles, mais des solutions quand même. C'est de façon permanente que les tergiversations reculent face au gardien, le gardiennage, le gardien litier, le litier, le mec qui vend des lits, le gardien qui vend des lits, des lys royaux dans un jardin plein de merde, de chiens galeux que nous sommes tous et toutes. Mettez la tête dans les chiottes pendant que vous y êtes, vous avez mal compris la question. Qu'êtes-vous ? Que suis-je ? Mais je ne suis personne. Je ne mène pas la danse non plus. J'écoute et répète ce qu'entendement me permet de dire. Et je le répète encore et encore jusqu'à maudire mon être. Jusqu'à maudire les êtres. Nos êtres, toutes et tous, je me maudis, me projetant sur l'autre, en adversité territoire, inadverse, a-t-il, absconcité. Je cherche une versatilité, donne-moi l'instabilité dans ma questionnance. Je veux savoir. Connaissance, je veux la savoir. Je veux connaître le savoir, sa chance. Et je veux de la chance, de la bonne fortune. Quel monde, je vous le dis, où la fortune vous abandonne pour autrui. Je n'en veux point, me dit le corbeau, pendant que le renard, lui, mange la quetance. Potence que cette dire là, potence que ce dit là, mais que dire de la disance, même que ce que je dis c'est vrai, souvent, et pas tout le temps, à la fois, car caractérisé par un conditionnement, nous, l'on, je, il, elle, n'ayant pas. On est. N'étant pas, l'on a. Soit. Toujours cette adversité. Toujours cette adversité que je n'oublie pas, que je n'oublierai jamais. Et pendant que je ces non-abs qu'on citait, je décide que la raison, pure ou non, ne vaut pas la chandelle. La chandelle. La chandelle dans le fion. Alors pourquoi pas tailler des costards aux armatures pendant que les boursouflures gênent, que les grattances opèrent leur petite opération, leur compute finale qui ne blesse et ne lèse personne à part eux-mêmes. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est leur histoire. Ils, elles, on, nous, vous, ils, elles, on, je. C'est une autre histoire. Le soir, c'est une autre histoire, le soir. Et le matin, le soir, c'est une autre histoire aussi. Et quand le soir passe à venir à passer, je veux dire, eh bien le soir, c'est une autre histoire, le passage. Le passage, soir, entre matin et aube, et obscurité, toujours latente, latente car attendante, attendante, attendante car patiente, patiente, patiente car obnubilance. Le fanatisme est de mise. Vive la France! Vive la France! Vive l'équipe de France! Vive la France, la nation, la nation, la nation, la politique, la politique, la politique française, française, français, français. Vive les Français et les Françaises, d'accord? Mais pourquoi français et françaises quand vive au pluriel signifie vivre au singulier mais conjugué en infinitivité? Comment ne pas le dire? Infini, infini, infini, infinitif. Conjugaison, faire vivre infinitivité en conjugaison, en conjugaisonnance, en conjugaisonnance, sonnance et trébuchante. La pièce, la pièce est pleine de foutre et la verdure se repaît de la moisie obscurité. Et moi, si sûr de moi, je doute à présent d'être, de respirer, de haïr. Je doute d'aimer, je doute de vouloir, je doute de falloir, je doute d'avoir. Non, ce n'est pas vrai. L'art est un mensonge. Pourquoi je te dirais la vérité, toi là-bas, dans ta voiture en train d'aller à un match de foot à la télé, grand écran géant, chez ton pote qui a des bières et du pastaga, alors que moi je m'en fous du pastaga? Pourquoi je te dirais ça, hein? Si j'en avais pas quelque chose à ne pas foutre du pastaga, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi mentirais-je? Oui, mais l'art est un mensonge. Quand même, tu peux pas vraiment dire ça en travers de la gorge comme ça, cura-t-on enfin les amis de ces foutres, de ces fichtrement mauvais gens, ces gens bons, les bonzes, il nous faut des bonzes, et plein de bonzes, à rien surtout. Un bon zarien, un bon zarien pour me lustrer la tête pendant que chauve je me balade dans la piscine sans bonnet de bain. Où est la culotte du shérif? Dans son pantalon. Mais Omar, Amar l'a tué, amarré. Et dans ce temps, une abscance, territoire de l'inadversité toujours rémanente dans immanence, profonde, profondémence. Et ça n'est pas la solution, ça n'est pas la solution. Yon, yon, yon, like an iron in fucking lion, Zion, fuck. What the hell am I talking about? I don't give a fucking damn anymore. About fucking anymore, I just like to, and that's the whole thing about it, I love to fuck. Where am I gonna find my energy? The energy, energy to fuck over and over. I like humor, but I'm not gonna gain my again. On a rancid dissatisfaction, gloriously fucking myself in the ass while I'm stupidly hanging there like a rope. Pendance, le temps. La terre tourne ses rondeurs atrophiantes du ciboulot car on a besoin de la terre, l'on est dépendant de la terre. Comment ne pas aimer la terre alors qu'on est dépendant d'elle? Je vous le dis comment. Comme ça, en silence, haïr la terre pour la détruire, pour détruire son inabsconce. Nous ce qu'on veut, c'est de l'absconce. Du bloc, du crade, et aussi une dernière chose. L'on souhaiterait garder la mise pour nous. Oui, chef, oui. La mise pour nous, la mise en abîme pour nous, nous revoir encore une dernière fois, avant de mourir et disparaître à jamais dans la sainteté obscure de l'éternelle présence homéopathique. Éternité, ô éternité, quand tu me tiens par le cul, je t'obéis et accepte enfin la vie. La vie qu'à la fin elle se brise en mille échardes d'une nuit transversale car traversée par l'ennui. Mais cette vie ennuyeuse, ennuyante, elle est autoproduite, elle est immanente comme l'on dit, et non éternelle car factice, une facticité car produite de soi, alors que ce soi se voit, et comme je disais tout à l'heure, le soi ne se voit pas car le soi est, et c'est tout ce qu'il est. Il est. Le soi, ça se recherche, car ça se trouve. Si l'on ne cherche pas le soi, on trouve pas le soi. Si on recherche le soi, l'on trouve le soi. Mais il faut comprendre que le soi ne se voit pas, il ne se palpe pas, il ne se taste pas. Il ne se goûte pas, il ne se sent pas, il ne se voit pas, il ne s'entend pas, il ne tacte pas, il ne tactilité pas. Et, alité comme il est toujours le même soi. Mais pourtant, il est différent à chaque fois changeant. Ce soi-là que je veux être, car je suis moi-même un soi. Eh bien, ce soi que je veux être, eh bien, c'est moi, ce soi-là. Mais je ne peux pas le dire. Sauf que je peux l'exprimer parce que l'art est un mensonge, l'art. Si c'est vrai. s'est présenté dans des vitrines aussi, il s'est présenté vraiment correctement. Le débat sur l'origine de ces canards. C'était la seule chose qui m'embêterait si on savait que les cadavres étaient issus de prisonniers, comme ça a été évoqué. Réintroduire dans un groupe social puisque là parce que ça d'ailleurs quand vous regardez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'était actuellement l'émission Nuisance, donc on est en juin, je crois, on est le 17, si je ne m'abuse, vendredi 17, donc comme tous les vendredis de 21h à peu près 23h, en l'occurrence là, je suis perplexe sur l'heure, et donc vous aurez droit à de la grande et belle musique, donc de l'art, du pur art, du grand art, par quelqu'un qui est un grand arté. Voilà, donc toujours comme d'habitude, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net.